Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, les armes à feu aux États-Unis. And from every family who never imagined that their loved one would be taken from our lives by a bullet from a gun. Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. L'image est forte, très forte. Le président américain Barack Obama en sanglots le 5 janvier 2016, alors qu'il en appelle une nouvelle fois à la mise en place d'un meilleur contrôle des armes à feu aux États-Unis. Barack Obama ne s'est jamais remis de la tuerie de l'école primaire Sandy Hook de Newtown au Connecticut le 14 décembre 2012. Et à chaque fois qu'il repense aux 20 enfants qui sont morts ce jour-là, nous dit-il dans l'extrait qu'on vient d'entendre, ça le rend fou. Au pays de l'oncle Sam, en général, il est aussi facile d'acheter une arme à feu qu'une brosse à dents. Et des centaines de milliers de citoyens fréquentent les salles et les champs de tir comme d'autres jouent au golf. Le commerce de l'armement civil est donc très florissant. Des armes de poing de tout calibre, il s'en vend une toutes les 13 secondes à l'année longue pour un chiffre d'affaires qui dépasse les 250 millions de dollars. Dans cette imposante panoplie, il y a les fameux Saturday Night Specials, ces armes de qualité inférieure que l'on peut acheter dans plusieurs États pour moins de 50 dollars. Comme celle-ci, semblable à celle que le présumé auteur de l'attentat contre le président Reagan a utilisée. Mais cette sinistre situation n'est pas qu'un simple fait de société. C'est avant tout une question de mentalité. Il y a plusieurs personnes dans ce pays qui prétendent que c'est un droit fondamental que d'avoir la liberté d'être armé ici. Oui, ça, je trouve difficile à comprendre ou à croire, parce que c'est un peu le drugstore cowboy façon de vivre. C'est une façon de vivre qui n'existe plus en Amérique. Les Indiens et les cowboys. Non, je crois que la maladie américaine, la maladie de violence, doit être réglée finalement par des lois qui ont supprimé la permission d'avoir des fusils, des revolvers. Le problème est bien posé dans l'extrait qu'on vient d'entendre, extrait d'un reportage de Jean Ducharme qui remonte à 1981. La facilité d'abord avec laquelle on peut acheter une arme aux États-Unis, et puis cette idée, cette conviction que la possession d'une arme à feu est un droit aux États-Unis. Pour faire l'histoire des armes à feu aux États-Unis, mon invité Francis Landlois, professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, membre associé de l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire Raoul Dandurand. Francis Landlois, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Beauchamp. Commençons par cette idée de droit fondamental de porter une arme aux États-Unis, c'était évoqué dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qu'il dit précisément, ce fameux deuxième amendement de la Constitution américaine? Donc, si on le lit, là, ce deuxième amendement-là, il dit bien « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter une arme ne sera pas transgressé. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pour les pères fondateurs, pour les gens qui ont rédigé la Constitution et la Charte des droits et libertés qui lui est accolée, pour eux, c'était évident que ce droit-là était un droit de milice. Donc, une milice bien ordonnée, hein, bien organisée, donc pas un groupe de personnes qui se promènent avec une arme, pas n'importe qui se promène avec une arme. Donc, des gens qui sont organisés par le gouvernement d'État dans le cadre d'une milice et qui peuvent participer à la défense de l'État, soit contre un envahisseur X, ou encore, possiblement, contre un gouvernement fédéral qui deviendrait trop autoritaire, trop tyrannique, etc. Mm-hmm. Mais jamais il est question ici d'un droit individuel. Ouais. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation ou en fait de mention hein, de la sécurité personnelle là, ici. On parle bien d'un droit de milice. Et pourquoi, à ce moment-là, c'est important pour les pères fondateurs d'inclure ce droit-là? Parce que, bon, ben, premièrement, ils viennent de mener une révolution contre un gouvernement qu'ils jugeaient tyrannique, c'est-à-dire celui de George III, l'Empire britannique. Pouvoir se soulever, en fait, contre l'autorité. C'est ça, l'idée. Exactement. Ce qu'ils viennent de faire eux-mêmes. Oui, c'est de garder ce droit-là qu'ils ont un peu récupéré là, de la pensée de John Locke, hein, donc, qui est exprimée dans la Déclaration d'indépendance qui a été rédigée par Thomas Jefferson, qui lui-même avait une collection d'armes à feu. Et donc, on cherche à garder ce droit-là vivant, mais toujours dans le cadre d'une milice bien ordonnée qui est, disons, soumise ou sinon sous l'autorité des États, que ce soit le New York, Massachusetts, etc. Donc, quand on entendait, il y a un instant, ce représentant des autorités new-yorkaises dire ça tient pas debout, là, cette interprétation moderne, disons ça comme ça, mm-hmm. puis on va y venir dans un instant, mais c'est fini l'époque à laquelle ce droit-là a été donné. Comment la Cour va interpréter cet amendement-là, puisque ça va évoluer, ça, au cours du temps? Vous avez tout à fait raison, mais depuis la fondation des États-Unis, jusqu'en 2008, la Cour suprême, toutes les cours, en fait, mais notamment la Cour suprême, ont interprété ça comme un droit de milice. Mais avec le temps, les Donc choses ont changé. De manière assez restrictive. Oui, tout à fait. Ce que vous décriviez à l'instant, là. Oui, tout à fait. Mais ceci étant dit, on a toujours laissé les gens avoir accès aux armes à feu, principalement aux armes longues. Et évidemment, là, avec les changements technologiques, etc., ben là, il y a de plus en plus d'armes de poing qui se sont répandues un peu partout, des armes automatiques, des choses comme ça. Et là, c'est ça qui a changé la donne. Oui. Mais il y a donc, jusqu'en 2008, dites-vous, oui. ce sera l'interprétation de la Cour suprême. Qu'est-ce qui se passe en 2008? Donc, en 2008, il y a un jugement qui est rendu par la Cour suprême, un jugement nommé Heller versus District Columbia. Donc, Heller est un gardien de sécurité, il est dans un quartier un peu dangereux. Et dans le District Columbia, donc où se trouve la ville de Washington, il est interdit d'avoir des armes à feu à la maison, complètement interdit. Et cet homme-là va déposer une plainte parce qu'il veut avoir une arme à feu chez lui. Il a un casier judiciaire vierge, c'est un homme, il travaille pour les forces de l'ordre, donc forcément, il est correct. Et donc, on va mener ça jusqu'en Cour suprême. Et finalement, la Cour suprême, contre toute attente, va dire, un, il est interdit d'interdire à 100% la possession d'une arme à feu à la maison. Deux, le droit garanti par le deuxième amendement n'est pas un droit de milice, mais c'est bel et bien un droit individuel de posséder une arme à feu pour se défendre. Et là, on a une jurisprudence qui sort de nulle part. Donc, c'est tout à fait nouveau. Même en 97, il y avait eu un jugement à ce sujet-là. Et encore une fois, la Cour suprême, à l'époque, avait dit non, c'est bel et bien un droit de milice, c'est pas un droit individuel. Et on peut pas contester, évidemment, c'est un jugement de la Cour suprême. Tout à fait. Mais par contre, certains juges de la Cour suprême, disons, un juge, pas un jugement, mais des commentaires contre cette décision-là qui a été très, très, très divisée. Hein, donc, c'était un jugement à 5-4. Ouais. Ben, il y a certains des juges qui étaient contre ce jugement-là, ont écrit beaucoup là-dessus en disant que c'était une erreur, la Cour avait erré, etc., etc. Mais ça, c'est fondamental. La dynamique, à partir de ce moment-là, à partir de 2008, change complètement. Oui, tout à fait. Là, maintenant, c'est un droit individuel, donc n'importe qui peut obtenir une arme. Les États ne peuvent plus empêcher, interdire les gens de s'armer. Ceci étant dit, le jugement est très clair là-dessus. Les États, les municipalités, même le fédéral, ont le droit de dire tel type de personne, avec un casier judiciaire, ouais. par exemple, ne peuvent pas avoir une arme. Tel type d'arme, accès restreint. Accès à certaines armes ou interdiction de certaines armes, comme par exemple des armes automatiques, des explosifs, ouais. des choses comme ça. Bon. Il y a toute une école, en fait, on appelle ça, puis un petit mot là-dessus, parce que c'est fascinant, vu d'ici, cette interprétation nouvelle, on va appeler ça l'interprétation originaliste. Oui, donc le juge Antonin Scalia, qui vient de décéder par ailleurs, est un des pères fondateurs, ou en tout cas un des plus forts défenseurs de cette approche-là. Donc l'originalisme, c'est l'idée qu'on doit retourner à exactement ce que voulaient dire les mots à l'époque où ils ont été rédigés, et on peut pas modifier, on peut pas interpréter ces mots-là autrement que ce que l'on voit sur le document. Et en fait, ce qui est fascinant dans toute cette histoire-là, c'est que son interprétation est complètement anti-originaliste parce que ouais. lui, l'essentiel de son jugement repose sur la deuxième partie lorsqu'il dit que le droit que le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé, et il laisse de côté complètement la première partie. Mm-hmm. Qui touchait à la ministre. Et ben voilà, mais là, mais bref, effectivement. Attention, il est chargé. Laissez-les emporter leurs morts et leurs blessés. Mon révérend, je ne reçois pas d'ordre. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de vous. Tous, autant que vous êtes, je ne vous veux plus avec moi. Je n'ai besoin de personne pour ce que j'ai à faire. Et L'histoire des armes aux États-Unis, c'est aussi Francis Landois, évidemment, ce qu'on vient d'entendre, ces grands films western. C'est un extrait d'un film de John Ford, grand réalisateur de western. C'est tout l'imaginaire de la conquête de l'Ouest. Ça va vraiment participer à cette culture des armes aux États-Unis. C'est un imaginaire qui va être construit, entre autres, par celui dont on parle tout de suite, Samuel Colt, qui va être vraiment fondamental dans la construction de cet imaginaire-là, de la culture des armes, qui est un génie du marketing, mais qui d'abord invente le fameux Colt. Qui est-il? Parlez-nous, racontez-nous l'histoire de Samuel Colt. Donc, Colt est un homme qui a fait un peu de tout. Hein. Il a été pilote de bateau, il a vendu des souliers, il a fait un peu de tout. Mais c'est aussi quelqu'un qui aime les trucs mécaniques. Donc, il va inventer plus ou moins le revolver. C'est pas lui qui l'invente, mais il va perfectionner cette machine-là qui existe déjà. Et en 1836, il va mettre une patente, hein, donc un droit sur ça. Il va mettre une marque de commerce sur ça et il va garder cette invention-là pour lui. Éventuellement, il va être capable de vendre cette arme-là à l'armée. L'armée, au début, veut rien savoir de cette invention-là qui tire mal, pas loin, qui est dangereuse, etc. Mais il va réussir à les convaincre tranquillement, pas vite. Et quand la guerre civile embarque, si on veut, bon ben là, évidemment, on va acheter en quantité phénoménale ces armes à feu. Ceci étant dit, pour convaincre l'armée, une des choses qu'il va faire, c'est justement des campagnes publicitaires qui sont très, très, très fortes. Très modernes. Il en appelle à des artistes pour faire des représentations, des dessins de cette culture des armes dans l'Ouest. Tout à fait. Donc, après la guerre civile, il va faire ça, mais je vais juste vous ramener avant. En 1842, son frère se fait accuser du meurtre d'un imprimeur à qui il doit de l'argent. Et il va en cours avec un de ses revolvers et réussit à convaincre, on ne sait pas comment, le juge de faire une démonstration de son arme pour dire que finalement, si son frère avait utilisé son revolver, il aurait réussi à se sauver avant et ne se serait pas fait arrêter. Ouais. Vous voyez un peu comment il réussit à convaincre tout le monde de l'efficacité de ses armes. Donc, après la guerre civile, comme vous le disiez, Colt se retrouve avec un surplus de production parce qu'il réussit à créer des armes qui sont facilement produisables, donc en quantité industrielle. Il va standardiser les pièces, donc il a tout compris ça, mais maintenant la guerre est terminée. Pourquoi est-ce qu'on achèterait ces armes-là? Et donc, il va avoir l'idée de les faire personnaliser. Donc, on peut les acheter de couleurs différentes, on peut faire des décorations dessus, on peut faire inscrire notre nom, etc., etc. Ensuite, ce qu'il va faire, comme vous le disiez, il va engager des artistes de l'époque. Et là, c'est la conquête de l'Ouest. Mais il va dire, on va associer mes armes à la défense du pionnier qui se bat contre les ours, les loups, les Indiens, les bandits, etc. Mm-hmm. Donc, le pionnier, éventuellement le cow-boy. Donc, on va aller chercher cette esthétique-là. Et c'est lui, et c'est, ben, évidemment, ses collaborateurs, mais c'est lui qui va lancer cette idée-là que l'Ouest et le revolver sont liés. Ce qui n'était pas le cas avant, mais il va tout faire pour ça. Avec des grandes figures légendaires. Tout à fait. Alors qu'effectivement, dans les faits, et cette idée qu'on circule librement avec des armes, tout le monde a une arme, il y a des duels, alors que dans les faits, il y a très peu de duels aux États-Unis. Très, très peu à l'époque. En fait, le duel qu'on voit dans tout bon Lucky Luke ou bien dans tout bon film, hein, donc les deux hommes qui se promènent chacun au bout de la rue, ils arrivent un en face de l'autre et ils se tirent, c'est arrivé une seule fois ou en tout. Peut-être pas une seule fois, mais quelques fois. Ouais. Mais la fois que c'est arrivé, c'est en 1865. Wild Bill Hickok est le shérif dans une ville qui s'appelle Springfield, au Missouri. Et il se prend contre quelqu'un qui est en état d'ébriété, par ailleurs. Et bon, il se tire dans la rue. Et par hasard, il y a un journaliste du Harper's qui est là. Et là, c'est là que le journaliste écrit ça, publie ça sur la côte Est. Et là, à partir de ce moment-là, la légende du duel apparaît. Le revolver apparaît, le cowboy apparaît. Donc, ces choses-là. C'est quand même assez fascinant. De la même façon que le laisser-aller complet, c'est aussi une invention. Il y avait des règlements, une série de règlements et de réglementations partout. Là. C'est pas vrai que c'était le laisser-aller complet dans tout l'Ouest américain sur la question des armes. Au contraire, il n'y a absolument aucun laisser-aller. Vous c'est avez ça. Absolument raison. Je veux dire, pour rentrer à Dodge City, qui était reconnue pour être une ville apparemment très violente, oui, il y avait des incidents, c'est clair. Mais à chaque entrée de la ville, il y avait des pancartes et des kiosques où est-ce que les gens qui arrivaient armés devaient déposer leurs armes, sinon ils ne pouvaient pas rentrer. Lorsqu'il y a la fusillade à O.K. Corral, à Tombstone, où est-ce que Wyatt Earp doit abattre les gens du clan McClanton, McCleary, pourquoi il fait ça? C'est parce que ces gens-là se promènent armés. Donc, il va faire appliquer la loi. Mm-hmm. Donc, vous comprenez, il y a des règlements partout. C'est pas vrai que c'est le free-for-all. On fait un saut dans le temps, Francis Landois. On arrive aux années 60. C'est évidemment l'époque de la lutte pour les droits civiques, les grandes émeutes autour de la question raciale, l'assassinat aussi de personnalités politiques importantes. Tout ça, ça va conduire à la création d'un mouvement pour un meilleur contrôle des armes à feu. Il y a comme une politisation autour de cette question-là qui commence à naître. On écoute d'abord Mike Beard, la Coalition nationale sur l'interdiction des armes de poing, répondre aux questions de Jean Ducharme en 1981. Quand cette campagne a-t-elle commencé? Well, the Le mouvement a été créé en 1968 à la suite de l'assassinat de Robert Kennedy et de Martin Luther King. Cette année-là, nous avons obtenu une loi de contrôle minimal des armes à feu. C'était la première loi majeure sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Depuis, cette question est restée secondaire dans les préoccupations du Congrès, mais dans les cinq dernières années, elle est réapparue dans toute son importance. Avec l'attentat contre le président Ford il y a quelques années, l'assassinat de John Lennon et la récente tentative contre le président Reagan, nous croyons qu'il y a de bonnes chances que le Congrès prenne certaines mesures. Il s'agit d'un programme d'envergure et il n'y aura pas de solution immédiate. Nous estimons qu'il y a de 50 à 55 millions d'armes de poing entre les mains d'Américains en ce moment. De plus, il s'en vend à chaque année environ 2,5 millions. C'est un problème énorme dans notre société. Chaque année, 22 000 vies américaines sont perdues à cause des armes de poing. C'est un prix terrible à payer pour permettre à certains privilégiés de posséder des armes. To have private possession of handguns. En travaux accordés en 1981, Francis Langlois, les chiffres sont probablement encore plus apeurants qu'ils ne l'étaient à l'époque. Voilà. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. 81, il y a un vent d'optimisme. Les gens qui en demandent un meilleur contrôle des armes à feu sont optimistes. Il y a eu des progrès, entre autres la loi de 68. Le vent souffle de ce côté-là, en tout cas, ce moment-là. Ouais. Et de fait, la NRA, la National Rifle Association, va complètement changer sa stratégie, changer son slogan, parce que ce qu'on vient d'entendre, ce vent d'optimisme qui souffle chez les activistes, chez ceux qui veulent un meilleur contrôle des armes à feu, la NRA en prend acte de ça. Tout à fait. Ils le voient bien. Oui. Que de leur perspective, il y a un danger, là. Et donc, durcissement du côté. Qu'est-ce qui se passe du côté de la NRA? Donc, jusqu'en 1977, la National Rifle Association est une association de chasseurs, de gens qui aiment tirer pour le loisir. Et leur but est de montrer aux gens comment utiliser les armes à feu de façon sécuritaire, garantir bon le droit d'en posséder, mais pas de se battre hein, au Congrès. Bon, ils sont assez tranquilles, d'une façon générale. Et là, en 1977, suite hein, au grand mouvement des droits sociaux, des droits civiques, pardon, aux émeutes, il y a eu des assassinats assez spectaculaires, Martin Luther King, Kennedy, etc., il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il va falloir prendre en main notre propre défense. Le gouvernement a visiblement perdu le contrôle de la situation. Et une partie de ces gens-là se retrouvent à la tête de la NRA, font littéralement un coup d'État en 1977, mettent dehors l'ancienne garde. Il faut savoir, à ce moment-là, la NRA s'en allait déménager au Colorado, allait fermer tous ses bureaux de lobbying à Washington et se concentrer sur la question de la chasse. Et eux vont dire non, on reste à Washington. Il y a une bataille à mener à Washington. Oui, définitivement. Ils vont même créer une branche qui s'appelle l'Institute for Legislative Action, qui est littéralement la branche spécialisée sur le lobbying de la NRA. C'est la branche la plus puissante de la NRA actuellement. Donc, ils vont se lancer là-dedans à fond à la caisse et ça va fonctionner. Donc, ils vont réussir à recruter plus ou moins Reagan de leur côté et ils vont se battre bec et ongles, du moins qu'une tentative de réglementation. Ils vont mettre leur nez là-dedans. Mais il faut le dire, à ce moment-là, ils ne sont pas encore aussi radicaux qu'ils le sont maintenant. Ça va se passer à la fin des années 90, là, vers 97. Là, ça devient carrément, je pense qu'on peut le dire, un lobby de vente d'armes. Oui, tout à fait. Donc, il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui disent, même à l'intérieur de la NRA, que l'establishment de cette institution-là défend plus les intérêts de l'industrie de l'arme à feu que les membres de la NRA. Donc, oui, effectivement, il y a un autre coup d'État qui se produit en 97. Donc, tous les gens qui étaient là, qui étaient déjà assez motivés et radicaux, vont être remplacés par des lobbyistes professionnels. Plusieurs sont issus d'une compagnie qui s'appelle Ackerman McQueen. Mm-hmm. Et donc, ce sont des gens qui sont capables, qui sont bien liés à comment fonctionne le Washington en général, particulièrement au Congrès, particulièrement très, très, très liés au Parti républicain. Et là, la NRA va devenir une machine, littéralement une machine pour l'industrie de l'arme à feu. Une machine de guerre politique aussi, de manière très partisane. Vous évoquez leur proximité avec les républicains. Très, très bon exemple de ça dans la campagne de 2000 avec ce fameux discours célèbre du comédien Charlton Heston qui est le porte-parole de la NRA. Discours célèbre qu'il prononce pendant cette présidentielle de 2000. So, as we set out this year to defeat the divisive forces that would take freedom away, tandis que nous nous apprêtons à nous battre contre les forces qui veulent nous priver de notre liberté, je veux que tous ceux qui m'écoutent entendent bien ceci, en particulier vous, M. Gore. Si vous voulez cette arme, il faudra me passer sur le corps. From my cold dead hands. Ah, ça va être marquant. Il faut le rappeler, l'élection présidentielle de 2000, c'est une élection très, très serrée. Al Gore va la perdre, même s'il a techniquement plus de votes que George W. Bush. Et évidemment, on pense que cette intervention de Charlton Heston de la NRA a pu faire la différence. Oui, un peu comme à l'élection de mi-mandat en 94, lorsque Bill Clinton avait passé le Brady Bill qui renforçait le contrôle des armes à feu, on disait beaucoup que les démocrates avaient été défaits en grande partie à cause de la NRA. La même chose va se dire à l'élection de l'année 2000. Mm-hmm. Et ça fait beaucoup partie du mythe de la NRA. Qui est apparemment invincible, qui est capable de faire plier tout le monde. Et effectivement, c'est un des lobbies, non pas les plus gros, mais des plus efficaces. Ouais. Donc, il faut faire la différence. Et donc, oui, effectivement, elle a beaucoup de poids. Maintenant, il reste qu'il faut relativiser ça. La situation actuellement, un mot d'abord sur l'opinion publique. Que disent les sondages? Ils en sont où les Américains par rapport à cette question-là maintenant? D'une façon générale, si on demande aux Américains « Voulez-vous plus ou moins de contrôle? » Les Américains vont dire « Moins de contrôle. » Si on dit « Voulez-vous qu'on interdise certains modèles d'armes? Voulez-vous qu'on limite certaines la taille des chargeurs? Ouais. On interdise certaines munitions? » Là, soudainement, les gens sont pour. Et souvent, ça monte jusqu'à 80 %. Sinon, le deux tiers des Américains sont pour un meilleur contrôle, même chez les membres de la NRA, soit dit en passant. Un petit mot sur, avant de terminer cette émission, sur la recherche. Vous êtes vous-même chercheur. C'est fascinant. Sur une question comme celle-là, ce qu'on peut dire, il se fait de la recherche, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est tellement sensible, c'est très, très difficile de faire la recherche sur les armes à feu aux États-Unis. Oui, parce que la NRA veille au grain, première des choses. Donc, quelqu'un qui lance des théories qui ne sont pas bien ficelées ou bien appuyées va se faire prendre. Il y a eu des cas assez célèbres à ce niveau-là. Donc, parce que c'est sensible, évidemment. Sinon, ben, il faut savoir que dans les années 90, la NRA avait réussi à faire couper toute forme de financement de la part du fédéral pour la recherche sur les armes à feu, ce qui est assez dur à comprendre, mais bon, ils ont réussi quand même. Et le président Obama, après Sandy Hook en 2012, a remis de l'argent dans ce domaine-là. Donc, actuellement, au moment où on se parle, il y a des recherches très intéressantes qui sortent sur les armes à feu, sur l'impact qu'elles ont sur la société en général actuellement. Qui va trancher au final? Je ne sais pas où ça va aller, parce que même l'opinion publique, vous nous le disiez, c'est un peu mitigé, mais Washington, les États, la Cour suprême? Actuellement, les gens qui réussissent à légiférer sur les armes à feu, ce sont essentiellement les États, les municipalités. Le Washington est pour le moment le très, très, très bloqué pour des raisons de polarisation politique essentiellement. La Cour suprême a tranché sur la question. Je ne crois pas qu'un autre cas sur les armes à feu va se rendre à la Cour suprême sous peu. Oui. Donc, ça va se faire localement. Actuellement, les gens qui veulent plus de réglementation commencent à s'organiser exactement comme la NRA l'a fait, c'est-à-dire localement pour aller vers Washington à la longue. Là. Mais c'est comme ça que ça va se faire. Et ça, évidemment, ça prend du temps. Oui. Francis Andlois, professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, merci infiniment d'être passé dans mon studio. C'est un plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado de diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.